Beaucoup de Sud-Coréens et la communauté internationale exaltent le parti du travail de Corée qui sert le peuple. Kun Ik-hyun, homme de presse, Lee Chol-jun, personnalité dissidente et autres Sud-Coréens, ainsi que les presses sud-coréennes comme Yonhap News et MBC, ont souligné que le parti du travail de Corée a pour base et pilier les idées du Juche qui ont pour principe considérant les masses populaires comme maîtres de tout et dissidents de tout, et que c'est pourquoi il est le guide reconnu comme mère qui veille sur tout le peuple comme sur son enfant. Le chef de la délégation du parti kirghize à Alam, qui a visité la Corée, a indiqué que la longue histoire du parti du travail de Corée est marquée de ses grands succès accomplis pour le pays et le peuple. Le chef de la délégation du parti révolutionnaire populaire mongol a souligné que le parti du travail de Corée manifeste sans réserve son prestige en tant que parti puissant jouissant du soutien et de la confiance absolue des masses laborieuses et que les partis progressistes attachés au socialisme doivent apprendre auprès du parti du travail de Corée ses expériences de lutte.